نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. بارك الله فيك يا أخي. Donc on va continuer sur le cours portant sur les catégories c'est pas pour moi ça. بارك الله فيك. Ah oui. Sur les catégories de tawhid, de shirk, donc de pur monothéisme, d'associationnisme, de mécréance et d'hypocrisie. Donc là, on est vraiment pour comprendre en fait dans les détails. Ce que j'ai fait, c'est que parce que le cours de la semaine dernière, il était assez, il y avait beaucoup d'informations, d'accord. Et il y avait les règles à comprendre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni les 5 règles ici, du manhaj, de la méthodologie, et avec un résumé à la fin. D'accord ? Donc je les ai imprimés, je vais vous les donner, Inch'Allah. Donc vous avez les 5 règles là, ici dans le détail, et puis à la fin le résumé, Allah a les plus beaux noms, et tous ses attributs sont des attributs de perfection. Il doit être décrit tel qu'il s'est décrit lui-même, ainsi que ses messagers l'ont décrit, sans croire en une ressemblance de la créature au créateur ou du créateur à la créature, sans nier le sens réel des attributs et sans demander comment sont ces attributs. D'accord ? Donc, tiens, Inch'Allah. Oh, Fahmi. Tiens, Adli. Tiens, Adli, la personne. Tiens, Fahmi. Avec l'Ofik. Ah, c'est deux par deux ? Il y a deux feuilles. Ouais. Deux feuilles. Hassan. C'est bon, tiens. Voilà. On aura une pour Ad, et puis il y avait le frère qui était avec toi, Mohsen. Ouais. Tu lui donneras, Inch'Allah. Donc, ça, comme ça, Inch'Allah, lorsque vous verrez, vous reverrez le cours, Inch'Allah, yani, ce sera. Parce que ça, ce sont les règles vraiment essentielles pour pas tomber dans les erreurs en fait des autres sectes. Donc, on va continuer, Inch'Allah. Ce que dit ici le Cheikh Sahar al-Fawzan, hafidhahullah. Ce que Allah Azza wa Jal wa samma nafsahu bil ra'uf ar-rahim. Donc Allah Azza wa Jal s'est nommé comme étant le plein de bonté. Faqala inna Allah bin nasi la ra'ufun rahim. Dans Sourate al-Hajj, verset 65, car Allah est plein de bonté et de miséricorde envers les hommes. Dans la traduction au sens du verset. وَسَمَّ بَعْضَ عِبَادِهِ رَأُوفًا رَحِيمًا فَقَالَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوفٌ رَحِيمٌ. Donc, et Allah Azzawajal a mentionné aussi que il y avait des serviteurs qui sont pleins de bonté et miséricorde. Comme Allah Azzawajal dit dans Sourate At-Tawbah, verset 128, dans la traduction au sens du verset, « Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de bonté pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. » D'accord ? Qui est plein de sollicitude pour vous, qui est donc plein de bonté, compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc, qu'est-ce qui est... Pourquoi en fait cela s'est mentionné ici ? D'accord ? Donc Allah Azza wa Jal mentionne qu'il a des attributs. D'accord ? Et Allah Azza wa Jal mentionne que ce qu'il s'est nommé comme attribut, d'accord, il y a des serviteurs qui les a nommés avec tel attribut, d'accord, qu'il est plein de bonté. D'accord? Mais on se rappelle ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ash-Shura, Laysa kamithlihi shay wa huwa sami' al-basir. Rien ne lui ressemble et il est l'audient, le clairvoyant. D'accord? Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une créature qui a ce nom-là, qui automatiquement qui a cet attribut-là, qu'automatiquement c'est le même qu'Allah Azza wa Jal. D'accord? Puisqu'Allah Azza wa Jal dit rien ne lui ressemble. Comme Allah Azza wa Jal dit qu'il a des mains, donc il est interdit de s'imaginer les mains, comment elles sont. D'accord? Puisque rien ne lui ressemble. Mais il a créé les créatures, les hommes, ils ont des mains. Mais on ne dit pas que nos mains sont comme, astaghfirullah, les mains d'Allah. Non, c'est interdit de dire ça et c'est interdit d'aller là. Puisque Allah Azza wa Jal l'a dit lui-même, rien ne lui ressemble. D'accord? Et il est l'audient, le clairvoyant. وَلَيْسَ الرَّؤُوفُ كَالرَّؤُوفُ وَلَا الرَّحِيمُ كَالرَّحِيمُ. Donc le plein de bonté n'est pas comme le plein de bonté. C'est-à-dire que le serviteur, la créature qui est plein de bonté, n'est pas comme Allah Azza wa Jal qui, lui, est celui qui est plein de bonté. Et le très miséricordieux qui est Allah Azza wa Jal n'est pas comme un serviteur qui est très miséricordieux. Un serviteur, il peut être miséricordieux, mais il ne peut pas avoir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. C'est comme l'exemple que tu as dit la semaine dernière qui m'a interpellé. C'est le fait que là, par exemple, on s'entend entre nous. Na'am. On ne peut pas entendre... Exactement. Allah Azza wa Jal, imagine, juste repensez à la salette là. Vous voyez, la salette en groupe. Oui. Chacun récite la Fatiha. Et dans la Fatiha, c'est un doa, tu invoques Allah Azza wa Jal. Ou Allah, c'est guide-nous vers le droit chemin. Donc tu demandes, toi, qu'Allah Azza wa Jal te guide. Ton frère à côté demande. Celui qui est à côté, chacun il demande. Tu es en sujoud, tu demandes, tu invoques Allah Azza wa Jal. Selon ta situation, tu lui invoques, qu'il te pardonne, qu'il te raffermisse, qu'il te donne du bien dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Yani, tu vois, chacun demande yani, à Allah Azza wa Jal. Même si toute la terre t'avait dit... Exactement. Mais Allah Azza wa Jal sait qui dit quoi, qui pense quoi, et exauce à qui il veut. Subhanallah. Alors que nous, on entend... Avec des limites. Avec nos comment Allah Azza wa Jal nous a créés, avec nos petites oreilles, là, on s'entend entre nous, mais on est limité. Hein? C'est-à-dire que là, je prie... Je suis en train de m'entendre, en train de dire mes propres invocations que j'invoque Allah Azza wa Jal. Mais je ne sais pas ce que les frères à côté sont en train d'invoquer, parce que je suis concentré. Alors qu'Allah Azza wa Jal entend tout, et il sait qui dit quoi et qui fait quoi. Donc c'est pas parce que un individu est miséricordieux que automatiquement ça veut dire que sa miséricorde, non. Vous voyez? Mais pourquoi ça s'est mentionné? Parce que le shir, là, il mentionne que, regardez, c'est Allah Azza wa Jal qui le dit. Donc nous, comment on fait? On dit ce qu'Allah Azza wa Jal a dit. Et on dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sans enlever quoi que ce soit ou renier quoi que ce soit. C'est comme, vous vous en souvenez, ce que je vous avais mentionné la semaine dernière, c'était un des pieux prédécesseurs, il s'appelait Abdurrahman ibn Mahdi. Il a trouvé un jeune homme qui était dans un égarement évident, il était en train de s'imaginer comment est Allah, comment est Allah, comment est Allah. Et lui, il lui dit, mais Allah Azza wa Jal, c'est le créateur. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de toute la création. Avant de commencer à se poser comme question comment est Allah, commençons à déjà connaître comment sont les créatures. Déjà, si on arrive à comprendre cela, on verra par la suite, quoi. Déjà, si on arrive. Et il lui dit, par exemple, Allah Azza wa Jal mentionne dans le Coran que certains anges ont deux ailes, d'autres trois ailes, d'autres quatre ailes. Il dit, bon, on peut s'imaginer les anges qui ont deux ailes, une aile à droite, une aile à gauche. Mais les anges qui ont trois ailes, on imagine une aile à droite, une aile à gauche, et la troisième aile, où est-ce qu'elle serait et comment fonctionnerait-elle? Et donc... Il est resté bouche bée, il ne savait pas quoi répondre, le jeune, là. Et il a réalisé que déjà, il ne connaît rien des créatures. Donc, qu'est-ce qu'il va aller essayer de comprendre comment est le créateur? Au lieu de s'arrêter là où Allah Azza wa Jal a mentionné, est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mentionné? Parce que c'est un doute, c'est quoi? Non, mais ça, c'est l'ignorance, ça, qui mène les gens. Parce que quelqu'un qui connaît cela, qui connaît que comment... Ça, c'est... L'ignorance, regardez ce que les problèmes de l'ignorance, ça mène à un mauvais comportement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Personne déjà, elle ignore Allah Azza wa Jal et elle ne sait même pas comment se comporter. Et elle va avoir un manque de respect en voulant, se posant des questions, comment, mais Allah Azza wa Jal, yani, il n'a pas mentionné cela dans le Coran, tu ne vas pas dans le comment. Tu vois ? Tu dis ce qu'Allah Azza wa Jal dit, tu l'attestes, tu l'affirmes. Allah Azza wa Jal a dit, qu'il est clairvoyant, qu'il est l'audient, qu'il est, yani, qu'il a des mains, qu'il a un visage. Tu le dis tout cela. Parce qu'Allah l'a mentionné. Tu le dis tout cela, d'accord ? Et comme on avait vu dans les règles, d'accord ? C'est que les versets concernant les noms et attributs, ce sont des versets apparents et clairs. Ce ne sont pas des versets qui sont à équivoque. Lorsqu'Allah Azza wa Jal mentionne qu'il a deux mains, c'est un verset qui est clair. Il ne porte pas à équivoque. On dit comme Allah Azza wa Jal dit. Mais on ne sait pas comment sont les mains d'Allah. Et il est interdit de dire ses mains. Parce qu'il y a des sectes, comment elles se sont égarées en se disant « Ah oui, mais main, le mot main, c'est comme le mot main qu'on utilise. » Tu vois ? Mais là, le shir, en utilisant ces deux versets-là, il te dit « Regarde, Allah Azza wa Jal dit qu'il est plein de bonté. » Et il mentionne aussi qu'il y a des serviteurs qui sont aussi pleins de bonté. Mais Allah Azza wa Jal est au-dessus de tout. La bonté d'Allah Azza wa Jal, personne ne peut l'égaler, personne ne peut l'atteindre. Voilà, c'est ça. C'est comme par exemple, Allah Azza wa Jal, c'est El-Kerim. D'accord ? L'honorable. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant Yusuf alayhi salam, « Huwa al-Kerim, ibnul Kerim, ibnul Kerim. » C'est l'honorable fils de l'honorable fils de l'honorable. C'est Youssef qui est l'honorable fils de Yaqub qui est l'honorable fils de jusqu'à Ibrahim a.s. Ibn al-Karim, d'accord ? Et donc, mais Allah Azza wa Jal lui est honorable, mais Allah Azza wa Jal est au-dessus, rien ne lui ressemble. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Donc, nous on affirme ce que Allah Azza wa Jal et son envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on affirme. On dit que ce qu'Allah Azza wa Jal a mentionné en termes d'attributs, eh bien on l'affirme sans, comme je vous ai mentionné ici dans les cinq points ici, sans essayer de faire de la distorsion dans le sens ou essayer d'altérer le sens, d'accord, en disant mais non, mais... Voilà, sans essayer de... Parce qu'il y en a, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te dire, ah ben non, pour éviter de penser que c'est la main, non, faut que tu penses que c'est la ni'ma. Ou bien que tu penses que c'est la puissance, d'accord ? Ou bien, istiwa, comme on avait vu, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, l'istiwa, c'est l'ulu, c'est l'élévation d'Allah Azza wa Jal, au-dessus de toute sa créature, au-dessus de son trône. Eh bien, eux, ils te disent, non, ils vont altérer le mot en lui-même pour dire c'est estaula. Et qui veut dire complètement autre chose. Estaoula, ça veut dire, comme on avait dit, hein, prendre le dessus. Coloniser. Prendre le dessus. Alors t'imagines, prendre le dessus, il veut dire que, à croire que le trône n'avait pas, Allah Azza wa Jal n'avait pas le dessus sur lui, et ensuite il a pris le dessus. Qu'est-ce que c'est que... A'udhu billah, astaghfirullah. Donc, pourquoi il a mentionné ces exemples-là ? Pour mentionner le fait que Allah Azza wa Jal, ce qu'il a dit et ce qu'il a mentionné en termes d'attributs d'Allah Azza wa Jal, on le mentionne, et s'il l'a mentionné pour ses créatures, on le mentionne, mais on sait que cet attribut-là n'est pas le même qu'Allah Azza wa Jal, puisque rien ne lui ressemble. وَكَذَلِكَ وَصَفَ نَفْسَهُ بِصِفَاتٍ وَوَصَفَ عِبَادَهُ بِنَذِيرِ ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِهِ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ فَوَصَفَ نَفْسَهُ بِالْعِلْمِ وَوَصَفَ عِبَادَهُ بِالْعِلْمِ فَقَالَ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. D'accord ? Donc il dit également, Allah Azza wa Jalla s'est décrit comme ayant yani la science. Il s'est décrit comme ayant tel attribut et il a décrit ses serviteurs comme ayant cet attribut-là. Mais l'attribut d'Allah Azza wa Jalla, comme on se rappelle, ne ressemble en rien à l'attribut de l'être humain. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Rien ne lui ressemble. Il est l'audient, le clairvoyant. Il a dit tout comme par exemple ce qu'Allah Azza wa Jalla mentionne dans Sourate Al-Baqarah, verset 255, et de sa, dans la traduction du sens du verset, et de sa science, il n'embrasse que ceux qu'il veut. Et de sa science. Donc Allah Azza wa Jal s'est décrit comme ayant la science. D'accord ? Et Allah Azza wa Jal a mentionné que il a décrit ses serviteurs comme ayant de la science. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dans Sourate Al-Isra, verset 85, dans la traduction du sens du verset, et on ne vous a donné que peu de science. D'accord ? Donc il a la science, le serviteur a la science, et Allah Azza wa Jal a la science. Mais Allah Azza wa Jal est le plus savant, et la science d'Allah, personne ne l'a, et personne ne peut l'égaler, et personne ne peut l'atteindre. D'accord ? Voilà, barakallahu fik. وقال الذين أوتوا العلم. Et Allah Azza wa Jal a mentionné aussi, tandis que ceux auxquels le savoir a été donné dire. Donc ceux qui ont reçu le savoir. Donc ça veut dire que Allah Azza wa Jal mentionne que ses serviteurs ont la science, ont le savoir. D'accord. ووصف نفسه بالقوة. Et Allah Azza wa Jal s'est décrit comme ayant la puissance. فقال إن الله لقوي عزيز. D'accord. Allah est assurément fort et puissant, dans la traduction au sens du verset. ووصف عباده بالقوة. Et Allah Azza wa Jal a décrit ses serviteurs comme ayant la puissance. D'accord. فقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. Dans sourate Ar-Rum, verset 54, dans la traduction du sens du verset, Allah, c'est lui qui vous a créé faible, puis après la faiblesse, il vous donne la force. D'accord. Puis après la force, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. D'accord. Donc Allah Azza wa Jal s'est décrit qu'il avait la force, et il a décrit ses serviteurs comme ayant la force. D'accord. Mais la force d'Allah, la puissance d'Allah, n'égale à rien, en rien. Celles des serviteurs ne peuvent pas égaler la puissance d'Allah Azza wa Jal, n'étant rien, ne ressemblant rien à la puissance d'Allah Azza wa Jal. Regardez juste les créatures. Subhanallah. Lorsque Allah Azza wa Jal avait envoyé Jibril alayhi salam pour châtier le peuple de Lout, d'accord, il a fait juste avec son aile un petit trou dans la terre comme ça, et il a fait retourner la terre sur eux. Subhanallah. Ça, c'est une créature d'Allah Azza wa Jal. D'accord. Donc le créateur qui est au-dessus de tout cela. Allahu Akbar. Donc vous voyez, et il y avait un verset que j'avais oublié de mentionner dans sourate Al-Dhariyat que le cheikh avait mentionné. Donc, ce qu'Allah Azza wa Jal dit, alors j'essaie de retrouver le verset, attendez, Al-Hajj Dariyat. Inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. D'accord. Allah Azza wa Jal se décrit ici comme ayant la force. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. D'accord. Donc, il dit, ila ghayr dhalika. Et donc tout cela, ce sont des exemples. C'est-à-dire que ce que nous, on se doit de faire, c'est que d'affirmer ce qu'Allah Azza wa Jal a dit. Allah a dit cela, on le dit. Allah Azza wa Jal a décrit ses serviteurs comme cela, on le dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah Azza wa Jal comme ayant tel ou tel attribut, on le dit. Et il décrit tel et tel serviteur ayant des noms qui sont comme le nom qui est mentionné par Allah Azza wa Jal, par exemple Al-Karim, ou bien qu'un tel il a la science, ou un tel, on les dit, mais rien ne ressemble à Allah. Certes, tu as la force, et Allah Azza wa Jal, qui est le créateur, a la force, mais rien ne ressemble à la force d'Allah Azza wa Jal. Rien ne lui ressemble. D'accord. Yani, on ne peut pas s'imaginer comment. Et il nous est interdit d'aller là. D'accord. Puisque on ne se doit de dire que ce qu'Allah Azza wa Jal a mentionné, ce que le prophète Mohammed a mentionné. Wa ma'lum anna asma' Allah wa sifatahu takhussuhu wa taliq bih. Et ce qui est connu, c'est que les noms et attributs d'Allah Azzawajal sont spécifiques à Allah Azzawajal. Il n'y a que Allah Azzawajal qui a ses noms et ses attributs. Dans quel sens? Dans le sens où est-ce que qui sont spécifiques à Allah. C'est-à-dire que le puissant, le fort, lorsqu'on parle d'Allah Azzawajal, c'est la puissance et la force qu'on ne peut pas imaginer. D'accord? On ne peut pas imaginer parce que c'est Allah, rien ne lui ressemble, on ne sait pas. D'accord? Comment c'est? Si Al-Karim, c'est un attribut d'Allah Azzawajal, on a le droit de dire un frère, Al-Karim. Na'am, tu peux le dire, Al-Karim, c'est une créature. Mais ce qu'il y a, c'est que ça, c'est spécifique à cette... Voilà, Al-Karim qui est spécifique à Allah Azzawajal, yani ça, c'est spécifique à Allah Azzawajal. Allah qui est l'honorable, personne ne peut être honorable comme Allah. Hein? Mais « Ya Akhil Karim, oh mon frère, oh toi mon frère l'honorable, frère, tu vois ?» Yani ça, c'est spécifique à cette créature, tu vois, qui elle n'a pas les spécificités d'Allah Azzawajal, puisque rien ne lui ressemble à Allah Azzawajal, et la créature n'est pas le créateur. Ce qu'il y a, c'est que le créateur, rien ne lui ressemble. Tu ne peux pas comparer le créateur à une créature. Et rien ne peut l'égaler, rien ne lui ressemble. Donc c'est pour ça que les noms et attributs d'Allah sont spécifiques à Allah. Et ces noms et attributs, si à Allah Azzawajal. Wa asma al makhluqin takhussuhum wa taliq bihim. Et les noms des créatures sont spécifiques aux créatures et sied aux créatures. Wa la yulzim min al ishtirak fil ism wal ma'na al ishtirak fil haqiqa. Donc il avait dit, ça ne veut pas dire que parce que on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour par exemple pour Youssef c'est Al-Karim, d'accord, et puis qu'Allah Azza wa Jal c'est Al-Karim, ça ne veut pas dire automatiquement que c'est la même chose, que c'est la même yani le même puisque rien ne lui ressemble. وذلك لعدم التماثل بين المسمين والموصوفين وهذا ظاهر والحمد لله. Parce que tu ne peux pas comparer ce qu'on disait, yani Allah Azza wa Jalla qui est le créateur, et tu peux pas le comparer à une créature puisque rien ne ressemble à Allah Azza wa Jalla. Mais lui il peut être le Akhil Karim et Allah Azza wa Jalla c'est le Karim. Mais le fait qu'Allah Azza wa Jalla soit honorable, cet attribut-là, ce nom-là, ne ressemble en rien à l'attribut de la créature qu'il est. Mais ceux qui ne le comprennent pas, ça, ils risquent de tomber dans le shirk. Ils risquent de tomber dans l'une de ces sectes qu'on avait vues. Donc ils ont dit quoi? Par précaution, hein, pour éviter de se poser des problèmes, on va renier les attributs d'Allah. A'oudou billah. C'est ce qu'ils ont fait. Donc le Jahmiya, ils ont tout renié, d'accord? Les noms et attributs, ils ont dit comme ça, on n'aura pas de problème hein, à se revenir, se prendre la tête de là. Les autres, les Asha'ira, eh ben non, non, parce que si on lit main, on risque de penser à nos mains. Mais pourquoi tu vas là? Dis ce qu'Allah Azza wa Jal dit. Ne va pas plus loin. D'accord. Donc. Les sept, il y en a qui acceptent sept et qui renient le reste. Naam, ça on l'avait vu dans le cours de la semaine. Naam. Ça fait penser à un peu d'intercession, ceux qui demandent. Le pardon à une créature. Oui, en termes de shirk, c'est-à-dire que celui. Demander directement, c'est la même chose. Genre, c'est le créateur, donc tu ne peux pas demander à une créature de demander un pardon. Oui, oui, oui. Mais c'est comme par exemple ceux qui ont le pendentif, ce qu'ils disent, soit c'est écrit en tout petit, minuscule, c'est invisible, le verset du trône, Ayatul Kursi, ou bien c'est ce qu'ils appellent la main de Fatma, et ils pensent que ça les protège, A'oudou billah. S'ils pensent que c'est ça qui les protège, c'est de l'associationnisme majeur qui annule leur islam. C'est pas des musulmans, ça. D'accord ? Et ce problème, c'est qu'il y a juste par rapport à notre emploi, justement, j'étais invité à avoir pas chez quelqu'un. Et eux, ils étaient dans le délire de l'entraînement, etc. Non. Juste avant, subhanallah, j'étais en train de lui parler par rapport à l'entraînement, on parlait justement de ça. Ouais. Et subhanallah, juste après, ils sont venus à poser des gâteaux où il y avait la main de Fatma. Subhanallah. Et je lui dis, tiens, regarde, l'entraînement, je la casse et je la prends. Non. Des gâteaux, c'est le bonheur, des gâteaux, Allah al-Musta'an. Donc, oui, mais ça, c'est, ce sont des shirkiyat, qu'Allah les guide. Amin. Donc, le troisième point ici, أن الذي ليس له صفات كمال لا يصلح أن يكون إلها. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, Mohamed. Là, ce que dit le Cheikh, il dit, celui, le troisième point ici, c'est celui qui n'a pas les attributs de la perfection, eh bien, ne peut pas être une divinité. D'accord ? Exactement. وَلِهَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمْ لِيَبِي. C'est pour cela que Ibrahim a.s. a dit à son père, لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا. Dans sourate Maryam, verset 42. La traduction du sens du verset, lorsqu'il dit à son père, « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui ni n'entend, ni ne voit et ne te profite en rien ?» D'accord ? وقال تعالى في الرد على الذين عبدوا العجل. Et Allah Azza wa Jal dit en réponse à ceux qui ont adoré la vache. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. Dans sourate Al-A'raf, verset 148, dans la traduction du sens du verset, n'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait point et qu'il ne les guidait sur aucun chemin. D'accord ? Et la guidée, qui c'est qui la donne ? C'est Allah Azza wa Jal. Celui qui ne peut pas donner la guidée. D'accord ? Il y avait, combien, on avait déjà vu dans un cours, combien de types de guidée ? Il y en a deux. D'accord ? Hidaya. Qui est ? Oui ? Exactement, barakallahu fik. Ce type de guidée-là, c'est le fait que tu clarifies Irshad wa Bayan, c'est-à-dire que tu montres aux gens la voie. Tu leur clarifies la voie, la croyance, tu leur clarifies tout cela. D'accord ? Ça, c'est le premier type de guidée. Ouais, le deuxième, c'est Hidayat Tawfiq. C'est le fait que tu sois maintenant sur la voie droite. Donc, premier type de guidée, c'est que par exemple, tu invites les gens à la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des sahabas, tu leur dis voilà la voie, voilà ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, voilà le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, voilà à quoi il invitait, voilà ce qu'il interdisait, voilà il a mis en garde contre quoi, voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla nous a guidés. Yani ça, c'est une guidée qui est quoi ? C'est que tu montres, tu clarifies aux gens. Tu as montré, mais cependant, c'est pas parce que tu as montré qu'automatiquement la personne va être guidée. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes. Qui tu aimes, c'est pas qui tu aimes, c'est-à-dire que c'est un kafir que tu l'aimes, tu aimerais. Non, qui tu souhaites sa guider. D'accord ? Tu ne guides pas qui tu souhaites sa guider, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Tu vois ? Donc toi tu as montré, cependant, certains, Allah Azza wa Jal va les guider, d'autres, malgré que tu leur as montré, Allah Azza wa Jal ne va pas les guider. Parce qu'Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans le cœur des gens. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui guide. Et cette hidayah, la hidayah tawfiq, le fait que Allah Azza wa Jal te guide et te donne les moyens pour que tu sois guidé, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui te donne cette guidée-là. Que tu sois sur le droit chemin, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui la donne cette guidée. À quelqu'un qui n'est pas croyant, enfin voilà, je lui explique comme ça, il va dire mais comment alors je. Enfin, il me guide pas, et alors après il me juge, en fait. Mais justement, non, mais justement, comment on répond à ça ? Bah voilà. On répond à ça tout simplement. Ah ? Non, c'est-à-dire quelqu'un qui dit ça, exactement. Allah Azza wa Jal mentionne clairement que s'il sait qu'il y a un bien dans vos cœurs, il vous guidera vers le bien. Donc, et regarde, on n'a qu'à regarder le prophète Nuh, alayhi salam. Une minorité l'ont suivi. Une minorité. D'accord ? Et Allah Azza wa Jal ne châtie pas un peuple jusqu'à après leur avoir envoyé un envoyé, un messager. Alors, c'est pas. Ils ne connaissent rien, ils sont ignorants, ils ne savent pas quel est le message d'Allah Azza wa Jal et Allah Azza wa Jal les châtie. Non, Allah Azza wa Jal, il est juste, il est bon. Et ce sont les gens qui sont injustes. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَالَّذِي نَفْسِ مُحَمَّدًا بِيَدِهِ » Ou bien, « كَمَا قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ » Par celui qui détient mon âme entre ses mains. « لَا يَسْمَ عَنِّي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ » Par celui qui détient mon âme entre ses mains, n'importe qui de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, entende parler de moi, puis meurt sans avoir cru au message auquel j'ai été envoyé, eh bien fera partie des gens de l'enfer. Donc là, ce qu'il y a, c'est que si l'individu veut être guidé, eh bien qu'il ouvre son cœur à accepter la vérité. Pourquoi un individu qui... Il y avait une personne qui parlait et qui disait... je lui disais, moi j'aime bien lorsqu'on parle avec des preuves. On parle avec des gens, ils sont comme ça, et puis philosophes et tout cela. Attends, reviens sur terre, moi j'aime les choses carrées. Tu te tiens sur quelle preuve toi? Il n'avait rien. Alors il me dit, mais toi, quelle est ta preuve qu'Allah existe, que Dieu existe, il me dit. Je lui dis, et justement, alhamdoulilah, il faisait beau et il y avait des nuages. Donc je lui ai dit, eh bien, tourne ta tête et vois ce qu'il y a dans les cieux. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, qu'est-ce que c'est ça? Il me dit, ce sont des nuages. Je lui ai dit, et ces nuages, qu'est-ce que c'est? Il me dit, bah, c'est de l'eau. Je lui ai dit, tu vois ça? C'est de l'eau qui est en suspension dans les airs. De l'eau en suspension dans les airs. Est-ce que, yani, est-ce qu'on arrive à bien comprendre ça? De l'eau en suspension dans les airs. L'eau, elle est sous quelle forme? Soit une phase liquide, soit une phase gazeuse, soit une phase solide. D'accord? Soit elle est dans la glace, soit, hop, sous forme de gaz. Alors, tu veux avoir sous forme gazeuse, d'accord? Tu as de l'eau qui est sous forme liquide, chauffe-la. Tu vas la chauffer, qu'est-ce qui va se bouillir? Donc ça va bouillir, qu'est-ce qui va y arriver? Il va y avoir de la vapeur d'eau. Ça va s'échapper. Mais toi, tu veux que, en fait, cette vapeur d'eau-là, là, tu veux qu'elle reste concentrée à un endroit spécifique dans le ciel. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux la maintenir? Mets un sac plastique pour essayer de la maintenir. Le problème, c'est qu'en mettant ce sac plastique-là, la chaleur qui est contenue dans ce sac plastique-là va faire que l'eau va se condenser. Donc elle va redevenir à l'état liquide. Donc, tu n'arriveras pas à la maintenir comme ça. Est-ce que tu arrives? Il m'a dit non. Je lui ai dit, et tu sais qu'il y a un verset dans le Coran qui a été révélé il y a plus de 14 siècles. Où Allah Azza wa Jal dit, وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ Dans Sourate Al-Hijr. Et nous avons envoyé les vents. Allah Azza wa Jal dit, nous de majesté, Allah Azza wa Jal, pas de pluriel. Allah Azza wa Jal dit, nous avons envoyé les vents qui font pousser les nuages, d'accord? Qui contiennent cette eau pour nourrir la terre, la végétation, les animaux, d'accord? Et Allah Azza wa Jal dit, et cette eau-là, vous ne pouvez pas la contenir dans les cieux comme Allah Azza wa Jal la contient. Allahu Akbar. Donc là, face à un signe évident comme ça, la personne, si elle devient arrogante, elle ne s'en prend qu'à elle-même après. Déjà rien que ça. C'est celui qui n'accepte d'accord pas la vérité, qu'elle ne guide pas. Donc si après il dit que, eh bien, il n'est pas guidé, eh bien, remets-toi en question. Remets-toi en question. Où en es-tu dans ta relation avec Allah Azza wa Jalla? Et c'est là que je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est Al-Klofi. Là que Allah, il est juste et qu'il envoie des messagers pour les éclairer. Exactement. Et quand une fois qu'ils ont été éclairés, qu'ils ont été injustes envers eux-mêmes, qu'ils n'ont pas accepté par arrogance et orgueil. Exactement. Ils n'auront pas à dire mais pourquoi. Regarde, ils ont reçu les messages. Ils ont reçu aujourd'hui, personne ne peut. C'est comme tu disais tout à l'heure, taper sur Internet, l'islam, quel est le message? Ils peuvent connaître. Le prophète Mohammed Sarsen m'avait indiqué que cette religion-là pénétrera dans toutes les demeures. Donc, et vous voyez. Rappelez-vous du hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui détient mon âme entre ses mains, personne n'entendra parler de moi, cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien. Et les gens y croient qu'en se moquant du prophète Mohammed, ils ont gagné quelque chose ou quoi que ce soit. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas entendu du prophète Mohammed. Vous voyez, Ani, Allah Azza wa Jal dit وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et ils font leurs plans et Allah Azza wa Jal a ses plans et Allah est le meilleur des planificateurs. Donc, l'individu qui se met à parler du prophète Mohammed, qu'il soit en bien, que ce soit de façon en bien ou de façon mauvaise, il ne peut pas dire qu'il n'a jamais entendu parler du prophète. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'empêche de rechercher? Tu vois? Donc, barakallahu fikum. Donc, si l'individu il dit, eh bien, pourquoi il ne me guide pas et puis après il me châtie? Ben, ouais, subhanallah, qu'est-ce qui l'empêche de rechercher? C'est la même chose. Si quelqu'un dit, pourquoi Allah ne me guide pas, ça veut dire qu'en fait, il sait où est la guidée. S'il dit, Allah me guide, donc il sait, il sait que déjà lui n'est pas guidé, donc à lui de la rechercher. Marakalofik. C'est à lui de, après de faire l'effort. Exactement, à lui de la rechercher. Donc si. Il est perdu, donc il cherche le chemin, mais il ne sait pas comment. Quoi qu'il en soit, là, non, il chaud. Achi, moi j'ai rencontré quelqu'un qui s'est converti à l'islam, hein, ça je vous l'avais déjà dit, ça. C'était un Polonais. Et quand j'étais au Royaume-Uni, et je lui, à chaque fois je pose la question dès que je rencontre un converti, je lui dis comment. Je m'en sers pour la darwa après. Il m'avait dit quoi? Il m'avait dit, il vivait dans un endroit, les musulmans n'existent pas. Là où est-ce qu'il est, les musulmans n'existent pas. Il n'a jamais rencontré un musulman de sa vie. D'accord? Il a dit, j'avais un problème dans le concept de la Trinité. 1 plus 1 plus 1, ça fait 1. Il a dit, j'avais un problème dans cela. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, j'ai commencé à rechercher dans les religions, j'ai recherché tout ça, je voyais c'était quoi l'hindouisme, je voyais c'est quoi ça, je voyais, oh là là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a dit, et après, il avait vu dans toutes les religions, excepté dans l'islam, d'accord? Et après, il tombe sur l'islam. Il se met à lire, Il a dit, j'ai su que ça, c'était la vérité. Il avait dit, devine ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a fait la shahada derrière son ordinateur. T'imagines? Donc ça c'est vraiment que Dieu l'a guidé, il lui a envoyé à tout. Pourquoi? Parce qu'il est allé chercher. Parce qu'Allah Azza wa Jal sait. Parce que Allah Azza wa Jal sait que cet individu-là veut le haq, veut la vérité. Tu vois? Il sait qu'il y a quelque chose de bien, il te guidera vers le bien. D'accord? Barakallahu fik. Nous avons besoin de lui. Il se suffit d'amour, il a besoin de personne. Barakallahu fik. Donc là. On avait vu le troisième point, que celui qui n'a pas les attributs de perfection, eh bien, ne peut pas être une divinité. D'accord? Avec l'exemple qu'on avait vu, n'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait point et qu'il ne les guidait sur aucun chemin? D'accord? L'individu qui va adorer une statue, ou qui va adorer une pierre, ou qui va adorer je ne sais pas quoi, ou qui va adorer une créature, ou bien vous vous en souvenez ce que j'avais rapporté la dernière fois, là? La personne qui se fait passer pour une divinité, là. Parce que... Ouais. Et là-bas au Royaume-Uni, là, une dame là qui va se faire. Ah, j'ai dû le ranger, j'ai dû le faire à nouveau. Une dame qui se fait passer, elle avait une petite carte, une photo d'elle. Ah oui, là. Et elle se fait passer pour. Voilà. Donc, celle-ci, elle mange, comme elle va aux toilettes, elle est comme ça, elle est dans le besoin, elle tombe malade, elle est. Ouais. Elle n'a aucune perfection, c'est une créature. Tout en dehors d'Allah est créature. Tout en dehors d'Allah est créature. Et le seul créateur, il est unique, c'est Allah Azza wa Jal. Le premier, le dernier. Alors, le quatrième point, anna ithbat sifat kamal wa nafiha naqs. Le fait d'affirmer, de confirmer anna ithbat sifat kamal, le fait d'affirmer, de confirmer les attributs, eh bien ça, c'est reconnaître la perfection d'Allah Azza wa Jal. Oui, c'est de reconnaître la perfection. Ah oui, je croyais que quelqu'un dont il prenait. Celui qui l'affirme et confirme les attributs d'Allah, Allah il s'est attribué tel attribut, il s'est décrit comme ayant tel attribut, le fait que toi tu l'affirmes, eh bien, tu reconnais la perfection d'Allah, qu'Allah il est parfait. Voilà. Et le fait de ne pas les reconnaître, ou le fait de les invalider, ou dire, eh bien non, je ne veux pas croire aux attributs, eh bien ça, c'est attribuer à Allah Azza wa Jal un manque. أعوذ بالله فالذي ليس له صفات إما معدوم وإما ناقص Celui qui n'a pas d'attribut, soit ce n'est rien, soit il y a un manque. D'accord ? Wallahu ta'ala munzi'an dhalika. Et Allah Azza wa Jal yani, est éloigné de cela, n'a rien à voir avec cela. D'accord ? Puisqu'Allah Azza wa Jal, il est parfait. الوجه الخامس أن تأويل الصفات عن ظاهرها لا دليل عليه. Le cinquième point, c'est que le fait d'interpréter les attributs, ce qui est apparent des attributs, et de les interpréter, pas de les affirmer, d'accord, mais de les interpréter, d'accord, il n'y a aucune preuve dessus, le fait d'agir comme cela. Aucune preuve. Est-ce que le prophète Sarsam faisait cela? Non. Est-ce que le prophète Sarsam a décrit que les mains, ça voulait dire la ni'ma ou bien la puissance? Non. Subhanallah. Donc il n'y a aucune preuve dessus. فَهُوَ بَاطِلْ. Donc c'est faux. وَتَفْوِيذْ مَعْنَاهُ. Et donc là, c'est essayer de fuir ce qu'est le sens apparent de ce qu'Allah Azza wa Jalla a mentionné. يُلْزِمْ مِنْهُ أَنَّ اللَّهَ خَاتَبَنَا فِي الْقُرْآنِ بِمَا لَا نَفْهَمْ مَعْنَاهُ. Ça, ça veut dire quoi? L'individu qui veut dire que il interprète le sens apparent des attributs, il veut dire que non, il y a une autre interprétation, d'accord. Il ne veut pas dire que, par exemple, les mains d'Allah, ce sont les mains d'Allah, mais rien ne lui ressemble. Il ne veut pas dire ça. Il dit les mains, non, c'est une autre interprétation. Donc il veut dire quoi? Il veut dire que Allah Azza wa Jal nous parle, parce que le Coran c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, avec quelque chose qu'on ne comprend pas. Ça veut dire que ce n'est pas clair sa parole. Elle n'est pas claire. Ce qui est apparent, il essaie de l'interpréter. Alors que c'est apparent, c'est clair. Et lui, il le veut, yani, lui donner une interprétation. Yani, on ne te demande pas, tu vois, d'inventer ou voilà, d'essayer de faire une nouvelle, yani, autre chose, une nouvelle interprétation. Non, c'est une religion de suivi. Tu vois ? Ouais, exactement. Exactement. L'adoration avec l'ignorance, celle-là, elle va ne te mener à rien, celle-là. On n'adore pas Allah Azza wa Jal avec ignorance. Ceci est interdit. Puisque rechercher le savoir est une obligation pour tous les musulmans. Rechercher le savoir, c'est-à-dire la base que tu dois connaître. La croyance vraiment de base que tu dois connaître. On ne te demande pas d'être un savant dans telle ou telle notion de fiqh. Alhamdoulilah, si tu as ces connaissances-là. Si par exemple tu viens, cependant, si tu, par exemple, tu viens t'investir dans le business ou la vente, l'achat et tout cela, les ulama disent tu dois connaître le fiqh dans cela. Tu vois, pour ne pas tomber dans les choses qui sont haram. Tu vois, avec les trous actuels. L'individu qui, par exemple, alors nous, qu'est-ce qu'on est, Allah Azza wa Jalla nous a créé pour qu'on l'adore. Donc, on doit déjà avoir la croyance correcte pour l'adorer comme il se doit, et non pas lui associer quoi que ce soit, ou tomber dans la mécréance. Donc, on se doit déjà de connaître tous les types de catégories dans cela pour les éviter, d'accord ? Et savoir aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, « Sallu kamaraytumuni salli », priez comme vous m'avez vu prier. Il n'a pas dit « priez comme vous voulez ». Ils disent au bled, c'est pas grave si tu pries comme tu veux. Même si tu dis Qufab sal ma'nous, tout cela, c'est bon, c'est accepté. Parce que ta niya, subhanallah, tu as une niya qui est bonne, ouais. Adorer Allah, mais tu n'empruntes pas la voie correcte. Exactement, c'est comme je dis. Ma niya, moi, c'est aller à Marseille. C'est ma niya. Je vais aller à Marseille. Mais je prends l'autoroute direction Lille. Mani, c'est aller à Marseille, mais je me retrouve à Lille, donc j'arriverai jamais à Marseille. Tu vois ce que je veux dire? Allah al-Musta'an. Donc, l'interprétation des attributs, il n'y a aucune preuve dessus, d'accord? Et le fait que l'individu essaie de ne pas mentionner le sens apparent, dire ce qu'Allah Azza wa Jal a dit, le fait que l'individu qui refuse cela, ça veut dire quoi? Il veut dire que qu'Allah Azza wa Jal nous a révélé le Coran à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais le Coran qui est la parole d'Allah azza wa jal, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Allah azza wa jal nous a dit des choses que c'est pas clair. Donc on ne sait pas ce que c'est et on ne sait pas ça représente à quoi. Donc eux, ils veulent quoi? Ils veulent interpréter ce qui est apparent. Et ceci, ce n'est pas correct. Pour expliquer ce qu'Allah n'a pas pu expliquer. Ce qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas mentionné, on ne le mentionne pas. D'accord? مع أنه أمرنا أن ندعوه بأسمائه. Alors qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de l'invoquer avec ses noms. Hein? فكيف ندعوه بما لا نفهم معناه. Donc, comment alors invoquer Allah Azza wa Jalla avec ses noms alors que nous ne comprenons pas ces noms-là? Donc, vous voyez, il y a la contradiction qu'on sait, Jean. وَأَمَرَنَا بِتَدَبُّرِ الْقُرْآنِ كُلُّهُ. Et il nous a ordonné de méditer sur le Coran en entier. فَكَيْفَ يَأْمُرُنَا بِتَدَبُّرِ مَا لَا يُفَمْ مَعْنَهُ. Donc comment alors, si Allah Azza wa Jalla nous ordonne de méditer sur tout le Coran, dans sa totalité, comment alors, dans cette condition-là, où est-ce qu'il y a des choses que non, la porte d'interprétation, quelque chose qui apparaît, ils te disent non, il faut l'interpréter d'une autre façon, c'est pas clair. C'est un verset qui est clair, et ils veulent te le rendre en pas clair. Ils te disent ce n'est pas compréhensible. Alors toi, comment tu réponds? Allah Azza wa Jalla te le dit, médite sur le Coran dans sa totalité. Comment veux-tu méditer sur le Coran dans sa totalité si déjà tu ne comprends pas son sens? Tu ne peux pas. Donc ce qu'Allah Azza wa Jalla dit, eh bien le croyant il dit, Allah Azza wa Jalla l'a dit. C'est clair, Allah Azza wa Jalla a dit cela. Tu le dis. Comment veux-tu alors dire que non, il y a des choses qui peuvent porter. Non, faut qu'on l'interprète d'une autre façon. Donc ça veut dire que c'est pas clair. C'est un verset qui est clair, dont qui a un sens apparent. Les noms et attributs d'Allah, ce sont tous des versets clairs. Exactement. Et leur sens est apparent. C'est vrai. Et on le dit comme Allah Azza wa Jalla a dit, sans chercher dans une interprétation. Ceux qui disent qu'il faut l'interpréter autrement pour essayer d'éviter de tomber dans quoi que ce soit, ceux-là veulent dire qu'Allah Azza wa Jalla, eh bien, nous demande de méditer sur la totalité du Coran alors que ce n'est pas clair. A'udhu billah. La meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. Naam, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Fatabayyana min hadha annahu la budda min ithbat asma'illah wa sifatihi ala al-wajh al-la'iq billah. Cela est clair, montre clairement que il est essentiel qu'il faut affirmer les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, comme cela sié à Allah Azza wa Jal. D'accord ? Ma'anefi mushabahat al-makhlouqin, avec le fait d'invalider et d'interdire toute comparaison avec les créatures. Et donc ce qu'il disait le shir, barakallahu fik, c'est juste ça que je voulais terminer ce point-là. Il disait, donc cela a montré clairement donc qu'il est essentiel d'affirmer les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, comme cela sié à Allah Azza wa Jal, et en invalidant, en interdisant toute tentative de ressemblance aux créatures, d'essayer de faire ressembler Allah Azza wa Jalla aux créatures, comme qala ta'ala, comme Allah Azza wa Jalla le Très-Haut a dit, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, l'omniscient. Fa nafa'a nafsihi mumathalat al-ashya. Donc Allah Azza wa Jalla, il a interdit toute ressemblance avec les choses. Allah Azza wa Jalla a interdit toute ressemblance avec les choses puisque rien ne lui ressemble. De par ce verset-là, Allah Azza wa Jalla dit rien ne lui ressemble. D'accord ? Donc Allah Azza wa Jalla a interdit toute ressemblance avec les choses. Wa athbata lahu as-sam'a wal basar. Et Allah Azza wa Jalla s'est affirmé l'audience et la clairvoyance. Fa dalla 'ala anna ithbat as-sifat لا يلزم منه التشبيه. Donc فنفى عن نفسه مماثلة الأشياء وأثبت له السمع والبصر فدل على أن إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه وعلى وجوب إثبات الصفات مع نفي المشابهة وهذا معنى قول أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات في الأسماء والصفات إثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعتيل. D'accord. Donc, ceci est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Donc, il dit, Allah Azza wa Jal a interdit toute ressemblance avec autre chose en dehors d'Allah. Autre chose en dehors d'Allah, c'est quoi? C'est créature. Et Allah Azza wa Jal, c'est le créateur. Et il dit dans surat al-Shura, rien ne lui ressemble. C'est clair. Hein? Et ce qu'il y a, c'est qu'il s'est affirmé qu'il avait l'audience, la clairvoyance. D'accord? Et il a aussi, Allah Azza wa Jal, il s'est aussi prouvé que le fait qu'on affirme les attributs On affirme les attributs d'Allah Azzawajal, d'accord ? Ceci n'implique pas, d'accord ? Ceci n'implique pas une ressemblance avec les créatures. Pourquoi ? Parce que les attributs sont spécifiques. Les attributs des créatures sont spécifiques aux créatures et les attributs d'Allah sont spécifiques à Allah. D'accord ? C'est pour ça que j'insiste sur le tawhid, c'est parce que pour moi c'est très important ce que tu dis, les noms, les attributs, rien ne lui ressemble. C'est la seule divinité qui a ces noms-là propres à lui. Naam, c'est spécifique à lui. C'est pour ça que ça serait pas. C'est-à-dire que c'est propre à lui. C'est-à-dire qu'ils sont spécifiques à lui. Donc, comme cela sied à Allah Azza wa Jal. Donc l'affirmation de, ça sert à l'affirmation de l'attestation de. Mais quelqu'un qui est quelqu'un comme on avait dit le frère qui est honorable, d'accord? Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à Yusuf alayhi salam, c'est le Karim ibn al Karim ibn al Karim ibn al Karim, le fils de l'honorable du l'honorable, tu vois? Yani ça c'est spécifique à la créature, tandis que le créateur Allah Azza wa Jal, c'est spécifique à lui, rien ne lui ressemble. D'accord? Et donc il dit, et cela est la croyance des gens de la sunna et du consensus dans le fait qu'ils affirment les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, d'accord ? Et ils infirment, ça veut dire qu'ils infirment toute ressemblance avec Allah Azza wa Jal, d'accord ? C'est-à-dire que ils affirment sans essayer de faire des ressemblances. Il affirme par exemple tel attribut sans dire que bien cet attribut-là c'est comme l'attribut, astaghfirullah. Non, ils affirment l'attribut mais sans faire de ressemblance. Et ils interdisent toute chose mauvaise, hein, toute chose mauvaise qui ne sied pas à Allah Azza wa Jal, sans faire de. Il y en a de distorsion ou d'altération. D'accord ? Ils ne font pas d'altération de verset. Ils disent comme Allah Azza wa Jal dit. D'accord ? On peut avoir des exemples là-dessus ? Pas de paroles comme ça de... Non, c'est comme j'avais mentionné sur, par exemple... Dans le deuxième exemple, là, pas dans le premier... Oui, oui. Par exemple, le fait que Allah Azza wa Jal dit « Ar-Rahman ala al-arsh istawa » Le tout miséricordieux, c'est élevé au-dessus du trône. Donc là, ce que tu fais, c'est que toi, tu le dis comme Allah Azza wa Jalla a dit. Tu vois que l'istiwa, c'est l'ulou, c'est l'élévation. D'accord ? Tu ne vas pas modifier ou altérer le sens, comme ont fait les Ash'ariyya en disant, non, on ne va pas dire que c'est istiwa, parce qu'eux refusent de dire qu'Allah est au-dessus de sa création. Donc ils disent, altérer le sens. Estiwa, c'est l'élévation, alors que Estaoula, ça veut dire qu'il a pris le dessus. C'est pas le même. Ah ben non, c'est à croire qu'il n'avait pas le dessus et après il s'est mis à avoir le dessus dessus. Donc ça, c'est l'altération. Alors que les gens de la sunna, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils disent ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit sans altérer. Simplicité. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a dit Estiwa, on dit Estiwa. Et l'Estiwa, c'est l'Ulu. C'est comme l'imam Malik, rahimallah, avait dit l'Estiwa ma'aloum. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla est élevé au-dessus de sa création, eh bien c'est quelque chose de connu. Pourquoi ? Parce que c'est Allah Azza wa Jalla qui nous l'a dit. Al-kayfiyya majhoul, le comment, on ne le sait pas. Was-su'al ali bid'a, et un questionné dessus est une innovation. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'en affirmant ce qu'Allah Azza wa Jalla a affirmé, d'accord ? C'est ça la voix des gens de la sunna et du consensus. Sans altérer le sens. Allah Azza wa Jalla a dit istiwa, on dit istiwa. Et on sait ce que ça veut dire. L'istiwa, c'est un verset qui est clair. C'est, ça mentionne l'ulou, l'élévation. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils ne veulent pas affirmer cela. Et ils veulent altérer et changer le sens. Et c'est ce qui est interdit. Ils ont changé même le mot. Exactement. C'est ce qu'on appelle altérer. D'accord ? Ce que tu viens de dire, par la grâce d'Allah, barakallahu fik, dans tous les cours que tu as fait. C'est-à-dire qu'il y a l'affirmation et ce qui oppose tout ça, en fait, le danger dans, même dans les noms, les attributs. C'est très important de savoir ça. Bah, il faut connaître les nuances de la personne, bah, par rapport à tout ce qu'on a cité, ce que tu as cité. C'est pour ça que tu dois connaître le piège qui tombe par rapport à ça. Tu connais une chose et tu dois connaître son contraire pour l'éviter. C'est pour ça qu'en résumé, ce qu'on avait dit au départ, pour tout résumer, et on termine sur ça, alhamdoulilah, on a terminé sur le chapitre de l'unicité dans les noms et attributs. Comme tu disais, il n'y a plus de sens au cours. Non ? C'est-à-dire, s'il n'y a pas de comparaison à la chose qu'il ne faut pas faire, ouais. Le coup, il a moins de sens, je veux dire. Oui, oui, non, mais après, c'est mieux de, à chaque fois, d'apprendre une chose et connaître son contraire. Apprendre une chose, connaître son contraire. Comme ça, au moins, tu sais, parce que tu ne connais qu'une chose que si tu connais son contraire. C'est vrai. Tu ne connais une chose que si tu connais son contraire. Ça, je l'ai appris à travers le cours du tour, mais l'ingénierie. Non. Tu l'apprends, c'est pour ne pas tomber dans le piège, également. C'est qu'il y a quelque chose, s'il y a le cours, il existe. Voilà, il y a quelque chose qui a fait que... Non, alhamdoulilah. Donc là... Il y a une balance, en fait. Il faut. De toute façon, comme on dit tout le temps, on ne connaît une chose que lorsque l'on connaît son contraire. Donc, on termine avec ça, c'est que, pour résumer les règles de tout cela, Allah a les plus beaux noms, et tous ses attributs sont des attributs de perfection. Il doit être décrit tel qu'il s'est décrit lui-même, ainsi que ses messagers l'ont décrit, sans croire en une ressemblance de la créature au créateur, ou du créateur à la créature, sans nier le sens réel des attributs, et sans demander comment sont ces attributs. Voilà, donc là, ça résume en fait tout ce qu'on a expliqué dans le détail. Mais là, ce que le Cheikh Salah Fawzan Hafidhullah avait mentionné comme exemple, c'est pour mentionner, pour clairement clarifier. Eh bien, Allah Azza wa Jalla a dit tel attribut pour telle créature, eh bien on l'affirme. Allah Azza wa Jalla a dit tel attribut comme il l'a dit à cette créature-là, mais il se l'est dit à lui-même, eh bien on l'affirme. Mais ça ne veut pas dire que lorsque tu affirmes, ça veut dire que tu veux faire une égalité ou bien une ressemblance dans cela. Non, parce que rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Barakallahu fikum. Donc inshallah bi'nillah, on va donc la semaine prochaine, eh bien là on fera donc sur les ce qui suit, c'est sur les types d'associationnisme. On verra les différents types qu'il y a dans cela. Et le dernier, ce sera l'hypocrisie, si je me souviens bien. Oui, et l'avant-dernier, ce sera sur la mécréance. Barakallahu fikum, subhanakallahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.